Marco Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 6 août 2019. En voici la charpente. Plus de 92 000 candidats qui terminent le niveau poste fondamental passent depuis ce mardi leur examen national d'entrée à l'enseignement supérieur public et privé. Aucun incident n'a été signalé sur les centres de passation visités par nos reporters et correspondants. L'information a été confirmée par le président de la commission de préparation de cet examen d'État. Et la mairie de Bujumbura alerte sur la recrudescence du choléra dans certaines parties de la capitale. Plus ou moins 5 nouveaux cas de choléra sont enregistrés par jour. Du coup, des débits de boissons et restaurants situés dans les marchés ont été fermés. Quand la population se fait justice en battant à mort un homme attrapé en flagrant délit de viol sur une mineure de 11 ans, cela se passe en Ngozi, d'où nous appellerons notre correspondant pour plus de détails. Et la compagnie de téléphone immobile Econet Léo dément les rumeurs en train de circuler sur les réseaux sociaux, faisant état de la vente de sa marque commerciale Econet Wireless. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. Plus ou moins 5 nouveaux cas de choléra sont enregistrés par jour en mairie de Bujumbura. Dans un communiqué sorti ce lundi, le maire de la ville souligne que les zones les plus touchées sont celles de Kanyosha, Buyenzi ou Terere et Chibitoke. Freddy Mbonima a pris plusieurs mesures pour éradiquer ce fléau, parmi lesquelles la fermeture des débits de boissons et restaurants placés dans les marchés. Obani Yonguru. La mairie de Bujumbura a annoncé des mesures d'hygiène en vue d'éradiquer l'épidémie de choléra qui sévit depuis quelques temps dans certaines zones urbaines. Ces mesures sont notamment la suspension des restaurateurs ambulants, les vendeurs d'eau et de jus emballés dans les sachets tout près des parkings ou dans les autres lieux publics, ainsi que l'interdiction d'utiliser les eaux des rivières ou celles des caniveaux. La mairie indique que 4 à 5 nouveaux cas de choléra sont enregistrés par jour. Les malades proviennent des zones urbaines de Kanyosha, Buyenzi, Buterere et Chibitoke. Au total, 126 cas ont déjà été enregistrés. Dans ce communiqué, la mairie rappelle que le choléra est une maladie contagieuse et mortelle en cas de manque de traitement. Il est provoqué par la consommation des aliments ou de l'eau contaminée par les bactéries. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, il y a chaque année dans le monde 1 à 4 millions de cas de choléra et entre 21 000 et 143 000 décès dus à cette maladie. Les vaccins anti-cholériques par voie orale sont un moyen complémentaire de lutte contre cette maladie, mais ne doivent pas remplacer les mesures classiques d'hygiène selon toujours l'OMS. Obin Niyonguru, on reparlera de la santé à la fin de ce journal, puisque dans la chronique santé, il sera question de l'hépatite. Un homme de la colline Nyarusange en commune Nyamurenza de la province Ngozi a trouvé la mort ce lundi soir des suites des bastonnades lui infligées par la population. Des sources sur place disent qu'il a été surpris en flagrant délit de viol sur une mineure de 11 ans. Trois parmi les personnes qui venaient au secours de la fillette ont été grièvement blessées par cet homme. Fâché, la population l'a battu jusqu'à ce que mort s'en suive. Information confirmée aussi par les responsables de la police en Ngozi, d'où nous appelons notre correspondant Apollinaire Monzagara. C'était exactement 7h30 lorsque un certain Jamari Abimahana, de 26 ans, a été surpris selon les autorités policières et administratives de Ngozi en train de violer cette fillette de 11. Les habitants de Nyarusange qui venaient au secours ont été poursuivis par cet homme muni d'inou. Il a blessé trois de ces derniers, dont un enfant de 7 ans. Les blessés ont été vite évacués au centre de santé de Nyamurenza, puis transférés à l'hôpital de Bouye, de la commune proche de Moumb. Vexé par ce qui venait de se dérouler, la population l'a finalement maîtrisé, puis a sévèrement battu Jamari Mibour. Il a rendu son âme après avoir passé quelques heures au centre de santé Guitare de la même commune Nyamurenz. Le commissaire provincial de la police invite la population à cesser. Vous voudrez bien nous excuser pour ce petit problème technique. La suite de ce journal avec l'examen d'État donnant accès à l'enseignement supérieur qui a commencé à travers tout le pays où plus de 92 000 candidats sont attendus et répartis sur 108 centres de passation, dont Nairobi au Kenya. Pas de problème majeur signalé à mairie de Bujumbura sur les quelques centres visités par notre reporter, sauf quelques cas de retard. Les responsables des centres reconnaissent que le début est toujours difficile. Et environ 900 lauréats de différentes écoles de la province Mwaro passe depuis ce mardi l'examen d'État donnant accès à l'enseignement supérieur. Et dans cette province, cet examen se passe dans les enceintes du lycée Mwaro. Les présidents des deux centres de passation qui s'y trouvent nous signalent aucune absence de candidats. Correspondance de Laurent Dicourillo. Au premier centre de passation de l'examen d'État au lycée de Mwaro, 467 candidats en provenance de cette école de la province de Mwaro s'étaient présentés. Ces derniers étaient, dans la matinée de ce mardi, en train de faire cet examen dans la grande salle de ce lycée. Dans un deuxième centre de passation, 419 candidats provenant de 12 écoles passent cet examen dans 8 salles de classe. Selon le président de ces deux centres de passation, l'examen a commencé à 8h15 après le rappel des différentes instructions à l'endroit des candidats. Ils indiquent qu'il n'y a pas eu de retard pour le début de ces épreuves parce que la journée de ce lundi a été consacrée à l'appel des candidats et leur placement dans les différentes salles. Aussi, les différents surveillants de cet examen ont eu à prendre contact des différentes instructions nécessaires. Renova Ravugimana et Innocent Niyonkuru, tous présidents du centre de passation de l'examen d'État au lycée de Mwaro, nous ont indiqué à 10h de ce mardi qu'aucune anomalie ne s'était encore présenté. Il signale aussi qu'aucune absence n'a été enregistrée. Il n'y a pas eu d'élèves autodidactes qui se sont présentés, souligne-t-il. Cet examen d'État pour la première promotion après l'instauration de la réforme mettant en place l'enseignement fondamental se passe depuis ce mardi jusqu'au vendredi dans tout le pays. De Mwaro, Laurent Dicourillo, Radio Sanganiro. Merci Laurent. Et Pacheri Izonkiza, président de la commission de préparation de l'examen d'État, explique qu'il y a eu de petites irrégularités mais qui ont été vite réglées. Selon lui, cet examen s'est bien déroulé sur le territoire national. Suivez-le au téléphone avec Mireille Naomini Tegeka. Aujourd'hui, l'examen d'État sur tout le territoire national, mais aussi à l'étranger, on m'a informé que tout se déroule bien, sauf de petites irrégularités que nous avons pu trouver solution en fonction de petites irrégularités. Toutefois, je tiens à informer le public que sur tout le territoire national, nous avons effectivement 108 centres, dont 86 à l'intérieur du pays et 22 centres ici à mairie de Bujumbura, et que nous avons aussi un centre à l'étranger, plus précisément à Nairobi. Quelles sont ces petites irrégularités que vous nous parlez? Ces irrégularités étaient liées surtout à l'inscription des autodidactes qui n'a pas été régulière dans la mesure où, dans la plupart des centres, beaucoup d'autodidactes ne se sont pas retrouvés sur les listes des candidats. Par ça, d'autres irrégularités que je pourrais ne pas qualifier comme irrégularités étaient des cas de lauréats, donc des candidats qui se sont présentés avec des CV non taillés. Pacheri Izonkiza, c'est le président de la commission de préparation de l'examen d'État. Les membres des partis politiques sont appelés au respect de différents textes du pays et au respect des droits de l'homme. Le gouverneur de la province Rutana précise que la cohabitation entre partis politiques est en général bonne, bien que des heurts s'observent sur certaines collines. Les auteurs de la perturbation des activités d'autres partis politiques sont signalés aux officiers de police judiciaire. Minani Fidel souligne en outre que des réunions sont régulièrement tenues. Il parle d'une situation normale dans sa province. Suivez-le au téléphone de Placide Niyomwongere. Au niveau de la province de Rutana, la situation est normale, d'autant plus que les partis politiques collaborent normalement bien. Il n'y a pas de très anormal. Sinon, au niveau de la province, les activités concernant les préparatifs aux élections de 2020 sont en cours. Nous sommes en train de mener des réunions au niveau communal et zonal, sur la sensibilisation du code électoral. Mais aussi, à côté de cela, nous organisons des réunions à la rencontre des partis politiques pour les instruire à bien collaborer, à bien mener leurs travaux de routine dans la tranquillité. Vous parlez que la situation n'est pas très alarmante. Vous voulez dire quoi? Nous voulons dire que même si la situation est normale, et quelque part, sur une colline ou deux ou trois, et certains membres des partis politiques, des fois ils se chamaillent, mais ce n'est pas une situation très généralisée. Dans un des cas qui ne sont pas généralisés, sur toutes les collines. Des fois, les membres des partis politiques, ils sont ignorants de la loi. De gestion d'opinion de l'autre, c'est un problème au niveau de la société. Il y en a déjà qui ne sont pas tolérants et d'autres qui sont tolérants. Donc, c'est suite au manque de tolérance que certaines personnes peuvent se chamailler d'une manière ou d'une autre. On apprend également que dans cette province, il y a des membres de certains partis politiques qui perturbent les réunions des autres partis. Est-ce que les auteurs sont connus, sont identifiés? Ce sont des gens qui sont prisonniers et ignorants, qui osent aller perturber des activités des autres partis politiques. À Bukemba, le parti politique qui a dû empêcher ces activités a porté plainte auprès de la police. Le processus est en cours. Au vu de cette situation, que fait l'administration locale ou provinciale? L'activité principale des administrateurs ou des administratifs en général, c'est question d'organiser des réunions à la rencontre des membres des partis politiques, mais aussi des réunions de sécurité. Et quel est l'appel que vous lancez à l'endroit de la population de Rutana en vue d'avoir des élections apaisées dans votre province? Les élections de 2020, c'est une période qu'il faut se préparer en tranquillité, où chacun doit respecter l'opinion de l'autre. Et quand ils sont en dehors des réunions, nous les conseillons de sensibiliser les projets de leur parti politique et d'éviter de parler sur la personnalité de l'un de l'autre des membres des autres partis politiques. Milan est fidèle, c'est le gouverneur de la province de Rutana où il fait exactement 13h09 comme dans nos studios. Politique toujours avec cette observation de Pierre Claver Nsengiyumva. Il est analyste politique. Il trouve normal que la plateforme de l'opposition Sénared demande un dialogue au gouvernement burundais pour se convenir sur les modalités de sa participation aux élections de 2020. Il explique qu'en politique, tout change avec le temps. Il trouve que ça serait mieux que le gouvernement accepte cette main tendue, car il aura justifié que le conflit burundais n'existe plus. Mais selon cet analyste, le temps qui reste avant la tenue des élections est si court pour qu'il y ait cet accord. On écoute Pierre Claver Nsengiyumva. Je crois que c'est une évolution tout à fait normale. C'est que une coalition naît, grandit et s'ajuste aussi. Donc, je crois que c'est un ajustement par rapport aux enjeux du moment. Donc, ils veulent participer aux élections de 2020, c'est leur position, c'est leur point de vue. Peut-être qu'ils ont analysé les forces qu'ils ont, et que probablement ils ont des stratégies pour pouvoir se présenter à ces élections. Seulement, je me pose la question aussi comme la plupart des gens, qu'est-ce qui a changé pour qu'ils puissent dire que tout va pour le mieux, donc ils peuvent aussi venir à ces élections. En l'absence des réponses probablement qu'ils attendaient par rapport aux revendications, par rapport à la bonne gouvernance, ainsi de suite. Le fait que le Sénared étend la main au gouvernement burundais, est-ce qu'on peut parler de faiblesse? Pas forcément, je crois que l'évolution des choses aujourd'hui, ainsi que probablement les conseils de différents partenaires, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Il faut aussi comprendre le changement de tactique. Donc je crois que c'est une démarche tout à fait normale de penser à évoluer, de trouver vraiment une solution plus ou moins durable à cette crise qui vient de durer pas mal d'années. Donc c'est 4 ans, c'est beaucoup. Demain, ce sera 5 ans. Je crois que le Sénared essaye de démontrer sa volonté de voir les choses bouger au Burundi de manière positive. C'est au gouvernement du Burundi de mieux analyser cela et de voir comment ils peuvent parvenir à une solution qui peut arranger tout le monde. Où réside la force du Sénared aujourd'hui? Toujours en négociation. Beaucoup de gens ont tendance à voir la force uniquement du point de vue militaire ou policier. Mais il y a aussi d'autres enjeux qui demandent beaucoup plus d'autres moyens, notamment diplomatiques. Mais disons aussi que, toute proportion gardée, le gouvernement du Burundi reste largement fort. À quelques mois des élections, je trouve que c'est un temps relativement court. Pierre Claver Nsengiyumva, il est analyste politique. Il était au micro de Linibel Nibigira. Quelques nouvelles, brèves nationales et internationales, avant la chronique santé, nous parlerons de l'hépatite. Je l'avais dit au cours de ce journal. La compagnie de téléphonie mobile Econet Léo nie les informations en train de circuler sur les réseaux sociaux faisant état de la vente de sa marque commerciale Econet Wireless par le groupe Aga Khan. Dans un communiqué, Hadi Pemhiwa, président du conseil d'administration Econet Léo Burundi, réfute ces informations et précise qu'ils n'ont pas l'intention de vendre Econet Wireless et que donc cette rumeur est fausse et non fondée. Hardy indique que Econet Léo entretient de bonnes relations avec d'autres compagnies téléphoniques œuvrant au Burundi. En actualité internationale, l'ancien dirigeant du Zimbabwe, Robert Mugabe, est hospitalisé à Singapour depuis 4 mois. C'est ce qu'a déclaré son successeur, le président Emmerson Mnangagwa. Il avait annoncé en novembre que Mugabe, âgé de 95 ans, ne pouvait plus marcher en raison de problèmes de santé et du poids de l'âge. Et lorsque le gouvernement a annoncé en avril qu'il s'était rendu à Singapour pour un traitement médical, il a déclaré qu'il était attendu au Zimbabwe à la mi-mai. Et en Côte d'Ivoire, s'est ouvert ce lundi 5 août le 18e forum de l'AGOA, l'African Growth and Opportunities Act, la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique. Cette initiative lancée en 2000 par les États-Unis permet aux produits des pays africains répondant aux critères d'accéder au marché américain sans barrières douanières et tarifaires. Cette année, l'événement annuel se tient à Abidjan et a réuni de responsables africains et américains, des ministres, des secrétaires d'État, des entrepreneurs. Tous se bousculent dans les couloirs de l'hôtel Ivoire. 39 pays du continent sont considérés comme éligibles au programme. Et s'ils respectent des critères, notamment en matière de bonne gouvernance, de libéralisme économique et aussi de respect des droits des travailleurs. Avec plus de 6000 produits autorisés à pénétrer le marché américain, l'AGOA doit permettre aux entreprises africaines de participer au marché mondial. Et avec une part de seulement 3% dans le commerce international, l'Afrique, qui vient d'entériner la création d'une zone de libre-échange continentale, pourrait devenir un concurrent sérieux. Radio Isanganiro, chronique santé. Je venais de le dire tantôt, l'hépatite est une inflammation du foie le plus souvent causée par une infection de différents virus, de A jusqu'à E. Une spécialiste des maladies digestives dit qu'elle peut être causée parfois par l'alcoolisme ou par une intoxication par un médicament ou par un produit chimique. Dr Caritas Nahimana explique que les symptômes s'observent en 3 phases, dont la première se caractérise par la fatigue et la fièvre. Selon toujours ce spécialiste, cette maladie peut toucher aussi bien les enfants que les adultes. Les détails dans cette chronique santé, Ornella Mucho. La maladie de l'hépatite peut être causée par la consommation de l'alcool, mais aussi par 5 différents virus de A à E. La spécialiste des maladies digestives souligne toutefois que les virus les plus virulents sont B et C. Dr Caritas Nahimana ajoute que rarement l'intoxication et ou l'hérédité peuvent être aussi parmi les causes de cette maladie. Ce spécialiste fait savoir que les symptômes de cette maladie s'observent en 3 différentes phases. Un patient atteint d'hépatite globalement, mais en particulier pour l'hépatite virale, va développer la symptomatologie en 3 étapes. Il y a la première étape faite d'une asthénie inhabituelle, d'une jaunisse, d'un malaise général. À cette étape, le diagnostic n'est pas certainement fait parce qu'on se dit que ça ressemble à une virose ou autre que celle responsable d'hépatite virale. Après, cette phase dure à peu près 21 jours. Et après, il y a une deuxième étape. Cette phase est très importante à connaître parce que c'est à ce moment-là que le malade peut transmettre facilement le virus sans pour autant que l'on puisse le diagnostiquer physiquement. Certains symptômes, comme le gonflement du ventre et des jambes, observe dans la 3e phase. Dr Caritas Nahimana l'explique encore une fois. Après, il y a la phase des complications. Peut survenir longtemps après la contamination, 5 à 10 ans, même 15 ans. C'est le stade de complication, c'est le stade de cirrhose où le malade va présenter une augmentation du volume abdominal avec une ascite. Le patient consulte parce qu'il voit une grosseur anormale. Des œdèmes de membres inférieurs, à ce stade, c'est un stade aussi de complications, de cancer, d'une profonde altération de l'état général. C'est un stade où on n'aimerait pas arriver pour en ce qui concerne la meilleure politique de lutte contre les hépatites. C'est seule l'hépatite causée par un virus qui est transmissible et en 3 différents modes. Un des exemples que la spécialiste nous donne, c'est le contact des liquides déjà contaminés par ces virus. La maladie, spécialement les hépatites virales, ont un grand potentiel de transmission. C'est d'ailleurs la dangerosité de cette maladie. La transmission se fait principalement en trois modes. Il y a le mode de transmission par contact avec le sang. C'est les piqûres qui se font les professionnels de santé. C'est l'usage de brosses à dents de patients contaminés. Vous comprenez qu'on entre en contact avec le sang. C'est le contact avec d'autres liquides biologiques, genre la salive, les larmes. C'est aussi la transmission par voie sexuelle. C'est aussi la transmission de la mère à l'enfant. Selon Dr Nahimana, l'hépatite peut toucher toutes les personnes, mais les plus menacées sont les professionnels de santé et les alcooliques. Les personnes à haut risque de contamination pour les hépatites virales, ce sont les professionnels de santé, ce sont les toxicomanes, ce sont les professionnels de sexe. Un grand risque aussi pour la mère enceinte, qui a le grand potentiel de transmettre la maladie à son enfant. L'hépatite, surtout virale, a des conséquences sur la santé de l'homme. La spécialiste de maladies digestives nous parlera dans la prochaine chronique comment la prévenir. Merci Ornella Mucho. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Eli Kadogo et retransmis en direct sur notre compte Facebook par Isne Bariko. Au micro, Jean Bosco Nouimana, un très bon après-midi.